Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Que se passe-t-il en Égypte l'été 1882 ? Quels sont les enjeux du débat républicain autour de l'Égypte, du peuple et du canal de Suez ? Que trament les Anglais ? Que prépare Sir Garnet Worsley, le chef du corps expéditionnaire anglais ? Nous voici presque au terme du récit-analyse du grand tournant des années 1880 pour le Levant et l'Europe que l'orientaliste Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, a proposé dans le cadre de son cours pluriannuel consacré aux provinces arabes de l'Empire ottoman. Nous sommes en pleine crise égyptienne l'été 1882, en pleine révolution et en pleine guerre du fait de l'intervention musclée des Anglais. Depuis plusieurs cours, nous suivons le grand jeu des puissances, françaises et anglaises en particulier, autour des enjeux de pouvoir entre le Khédive, autorité liée à l'Empire ottoman et ralliée aux Britanniques, et les acteurs de la révolution urabiste, ce mouvement nationaliste et constitutionnaliste porté par un vrai héros populaire, le militaire Ourabi Pacha. Dans son livre « Les crises d'Orient » qu'il publie chez Fayard, Henri Laurence note, et je le cite, que la propagande ourabiste de défense du territoire de l'islam contre l'invasion des incroyants a aussi un grand impact à l'extérieur de l'Égypte. La résistance égyptienne s'organise alors que les Britanniques ne contrôlent que la ville d'Alexandrie, ville en ruine et vidée d'une grande partie de sa population, note encore l'historien. Malgré les assurances de l'ESSEP sur la sécurité du canal de Suez, la protection de cet axe de circulation majeur va servir de prétexte. Hier, nous avons vu que le gouvernement britannique avait déposé le 24 juillet une demande de crédit auprès du Parlement afin de restaurer l'ordre, la tranquillité publique et l'autorité du Khédive en Égypte. Et ce matin, ce sont les Français que nous retrouvons en plein débat sur l'octroi de crédit pour intervenir. Henri Laurence nous installe au cœur de l'Assemblée où les fondements du colonialisme sont discutés. Ce sommet de l'art oratoire confronte ceux qui ont une vision géopolitique fondée sur le danger du panislamisme et ceux qui prônent la défense des nationalités opprimées. L'historien nous présente Édouard Lecroy et Francis Charme qui mettent en avant la France comme puissance musulmane et arabe. Le frère de Gabriel Charme proclame « La France, messieurs, est la plus grande puissance arabe du monde après la porte. Nous sommes la plus grande puissance musulmane en Afrique, nous avons l'Algérie, nous avons le protectorat de la Tunisie ». Citant longuement Charme, Henri Laurence fait remarquer que le tribun, avant le maréchal Lyauté, emploie pour la première fois l'expression « monde arabe » dans son sens actuel. Il s'attache ensuite au grand duel entre Gambetta et Clémenceau. Les deux champions se succèdent à la tribune. Le 20 juillet 1882, Clémenceau cite le discours de Gambetta. Ce n'est pas pour la nationalité égyptienne, ni pour le parti national qu'il faut aller en Égypte, mais pour la nation française. Mais Clémenceau retourne tout de suite l'argument de Gambetta en avançant que les Anglais, les Italiens comme les Français ont de puissants intérêts en Égypte avant d'ajouter « Au risque de paraître soutenir un paradoxe, je voudrais dire qu'il me semble que les Égyptiens, eux aussi, ont quelques intérêts en Égypte ». L'historien cite longuement sa défense de la politique démocratique où Clémenceau souligne aussi le malaise social des Égyptiens. « L'usure, dit-il, c'est la misère du peuple ». Et c'est sous ce signe de cette ferveur que nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 11 janvier 2017 pour le cours d'Henri Laurence, l'Égypte et le débat français sur la colonisation. si l'Angleterre, enfin, le gouvernement anglais obtient sans problème l'autorisation et les crédits nécessaires pour l'intervention militaire, le débat français va être beaucoup plus difficile. D'abord parce que le but de Freycinet, c'est pas tellement d'intervenir en Égypte, mais de maintenir l'alliance franco-britannique, l'entente cordiale. Au-delà, c'est toute la politique d'expansion coloniale entamée par la République des Républicains qui est en jeu. Et Freycinet a contre lui l'hostilité provoquée par l'attitude du gouvernement Ferry, qui a imposé l'occupation de la Tunisie, tout en affirmant qu'il s'agissait de mesures partielles de nature défensive et préventive. Tout le monde a à l'esprit les colibets de Rochefort sur les Croumires qu'on n'arrivait jamais à retrouver et qui avaient servi de justification. D'autre part, ni à Londres ni à Paris, on ne veut pas être intervenir pour verser du sang français ou anglais pour l'intérêt des porteurs de coupons de la dette égyptienne. Donc, les uns et les autres doivent insister sur la fibre patriotique et chauviniste de leur opinion publique, rejeter la validité d'un nationalisme égyptien et réduire le mouvement arabiste à une identité pan-islamique et anti-chrétienne. On y ajoute de puissantes considérations géopolitiques, à la fois coloniales et européennes. Alors, les deux débats de juillet 1882 à la Chambre des députés à Paris sont un des grands sommets de l'art oratoire de la Troisième République. Donc, je me permets de vous en donner de très longs extraits, rien que pour vous faire sentir la différence dans la qualité des discours de l'époque par rapport aux discours d'aujourd'hui. La question même du fondement philosophique de l'expansion coloniale a été posé dans ce débat. Et à mon avis, le débat de 1882 est plus intéressant encore que celui de 1885 qui amènera la chute de Ferry à propos des affaires de Chine. Et pour nous, il compte plus, évidemment, le débat de juillet 1882 parce qu'il pose radicalement la question des rapports entre la France et le monde musulman. Alors, les premières séances, c'est le 19 et le 20 juillet 1882. Alors, il y a beaucoup d'orateurs, je n'en ai sélectionné qu'un certain nombre ici. Il y a le premier vraiment à parler, c'est Édouard Lecroix, qui ne vous dit rien aujourd'hui, mais qui était une personnalité très connue à l'époque, puisque c'était un ancien compagnon de Garibaldi dans l'expédition de Sicile. Ensuite, il était parti avec Renan pour la campagne archéologique en Palestine, en Phénicie, la mission de Phénicie en 1860-1861. Il est, alors je ne sais plus si c'est le gendre ou l'épouse d'une petite fille de Victor Hugo, enfin donc c'est quelqu'un. Une personnalité importante à la fois dans le monde littéraire et dans le monde politique français du début de la Troisième République. Et c'est lui qui est le premier, semble-t-il, à dire que la France est une puissance musulmane. Je cite. Est-ce que nous ne sommes pas une grande puissance musulmane? Est-ce que nous ne possédons pas l'Algérie et cette Tunisie que le ministère veut annexer à la France? Est-ce que nous n'avons pas aussi à la défendre et à les protéger? Est-ce que nous n'avons pas à assurer là aussi la sécurité de nos nationaux, à empêcher la révolte des Arabes? Est-ce que nous n'avons pas des devoirs à remplir envers les colonies algériennes, tout aussi bien qu'envers celles du Caire et d'Alexandrie que l'on avait promis de défendre? Ne croyez-vous pas que le jour où l'Égypte sera aux mains d'une autre puissance, que le jour où il n'y aura plus d'influence française en Égypte, où cette influence sera remplacée par l'influence turque et par celle d'une autre puissance, ne croyez-vous pas, dis-je, que ce jour-là, s'il y a un mot d'ordre, un cri de guerre poussé dans les mosquées du Caire et d'Alexandrie, dans la mosquée de l'Azhar, que ce cri retentira immédiatement et aura de l'écho dans toute l'Afrique septentrionale. Ne croyez-vous pas que ces cris de passion et de haine qui se répandent avec une facilité si effrayante dans ces pays, qui semblent sans moyens de communication, que ces cris de guerre qui sont comme emportés à travers le désert par le vent qui y souffle jusque dans le territoire algérien et même jusqu'à l'Atlas, ne croyez-vous pas que le jour où ce cri de guerre se ferait entendre, nos colonies ne seraient pas menacées, que la France en danger ne serait pas forcée d'engager 150 000 ou 200 000 de nos soldats pour défendre nos possessions. Comme le journal officiel note très bien, sur quelques bancs de la gauche. Le Croix utilise aussi l'argument économique. L'Orient est un marché essentiel pour les produits manufacturés français. Comme beaucoup d'interventionnistes, il fait la distinction entre un parti national égyptien respectable et le parti militaire qui veut rétablir une sorte de domination mamelouk. Le second orateur qui nous intéresse, c'est Francis Charme, un des grands piliers de la République des Républicains, qui est le frère de Gabriel Charme, dont j'ai déjà abondamment parlé les fois précédentes. Donc Charme fait de la France une puissance arabe et une puissance musulmane. Et c'est lui le véritable auteur d'une expression que l'on attribuera postérieurement au maréchal Diotet, puisqu'il utilise pour la première fois le terme « monde arabe » dans son sens actuel, plusieurs décennies avant qu'il n'entre dans le vocabulaire courant. Je cite « Il en résulte pour nous des obligations. » Nous avons des précautions particulières à prendre. Tous ceux qui connaissent l'Orient savent très bien à quel point dans le monde musulman en général et dans le monde arabe en particulier, il y a une répercussion rapide de tous les ébranlements qui se produisent sur un point et qui immédiatement ont leur contre-coup sur tous les autres points d'une surface immense. Très bien, dans l'Assemblée. Le feu avait pris à l'une des extrémités du monde arabe et aussitôt à travers ces pays, ces sous-bassements peu connus et toujours mobiles qui sont au sud de nos frontières africaines, l'ébranlement est revenu secouer l'Égypte même, y a surexcité les émotions les plus vives, animé les passions les plus ardentes, provoqué des prophètes et fait naître les dangers auxquels nous sommes aujourd'hui exposés. Plusieurs orateurs, donc, vont citer. J'avais fait jadis un article complet sur ce débat que vous pouvez retrouver dans les volumes des Orientales. Mais, évidemment, le sommet, ça va être le grand affrontement oratoire entre les deux plus grands républicains du temps, c'est-à-dire Clémenceau et Gambetta. Alors, c'est Gambetta dont la santé commence à décliner. Et c'est la dernière fois que Gambetta va prendre la parole à la Chambre en rejetant l'idée d'une intervention ottomane. Messieurs, je crois que c'est la pire des solutions et c'était à mon sens un point sur lequel il ne fallait pas céder que la question de l'intervention turque. Ramener le Turc au pied des pyramides, c'est jouer avec le feu en Algérie et en Tunisie. Très bien, dans l'Assemblée. Ramener le Turc sous le pavillon français, c'est dire à tout l'Orient que le calife est devenu votre maître, c'est abolir en un jour 50 ans de notre politique. Très bien, sur quelques bancs. Et selon Gambetta, une intervention militaire française s'inscrit dans la tradition de la présence française en Égypte, ce ne sera pas dans l'intérêt de l'Allemagne, et puis de toute façon, il n'y a pas de parti national en Égypte. Messieurs, on ne s'est pas contenté de vous dire qu'il y avait un parti national, que je vous décrirai si vous voulez. On vous a dit qu'il y avait là une jeune nationalité. Et alors, probablement parce que l'application de ce principe des nationalités nous a été excessivement favorable, on se propose de sauver des eaux du Nil la jeune nationalité égyptienne. Sourire approbatif, dit le commentaire. Messieurs, ce n'est pas pour la nationalité égyptienne ni pour le compte d'un parti national qu'il faut aller en Égypte, c'est pour la nation française. Très bien, commentaire dans la somme. pour cette nation française dont on prenait si éloquemment en main la défense à cette tribune et qui aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, promène une vie errante et misérable sur toutes les côtes de la Méditerranée. Ensuite, il évoque les Anglais, et il pense certainement à son ami Dilke. Quand vous serez là aux prises, vous aurez les Anglais en face de vous. Et alors, ne vous y trompez pas. Et rappelez-vous que les Anglais ont pour habitude de distinguer entre les peuples. D'une part, il y a les peuples qu'ils considèrent comme les nations d'une race analogue à la leur et qui peuvent jouir des institutions de la libre Angleterre. C'est l'Australie, c'est le Canada. Ce sont les pays où il y a véritablement un peuple avec ses couches successives, avec ses traditions, avec sa langue propre ou ses aptitudes déjà formées. À cela, les Anglais donnent des institutions qui, peu à peu, émancipent ces races et en font, pour ainsi dire, les sœurs cadettes de l'Angleterre. Mais il y a d'autres races, paraît-il, dont la caractéristique aux yeux de l'Angleterre a toujours d'être dominée, de vivre sous le bâton, et qui ne sont bonnes à devenir peuple qu'à la condition de ne pas être livrées à toute espèce de sollicitation venue du dehors. Messieurs, on parle de nationalité, mais la nationalité, cela ne s'invente pas. Et cependant, ici, dans la question qui nous occupe, on trouverait facilement les docteurs en S-sciences parlementaires qui sont allés en Égypte semer et faire fructifier cette graine nouvelle du Parti national. Sourire dans l'Assemblée. Je vous assure que si on faisait leur biographie, vous seriez fort étonnés de voir quels sont les parrains de la nouvelle nationalité égyptienne. Rire approbatif sur divers bancs à gauche et au centre. Oui, messieurs, on les connaît. Ils entrent même volontiers en relation avec les hommes politiques. Personne n'ignore que j'ai moi-même mentionné dans une dépêche du Livre jaune où ils ont leur siège de leurs opérations et à quel prix ils y mettent. Messieurs, quand vous serez là, vous y trouverez cette Angleterre qui connaît le fellah, qui sait quelle somme de libre examen et de préparation civique il y a dans cette race depuis les Hyksos et les pharaons jusqu'à nos jours. Les Anglais vous diront qu'ils ne sont pas du tout partisans de cet ordre de civilisation, peu à peu car ils sont déjà sur place et vous n'y êtes pas encore, peu à peu ils s'apercevront que les intérêts qu'ils ont à défendre là-bas sont mis en question par les nébuleuses et chimériques rêveries du Parti national, et vous arriverez avant longtemps, si telle est la condition de notre intervention en Égypte, à un conflit qui ne tardera pas à devenir assez aigre. Et il continue donc pour plaider l'intervention militaire française. Et à ce moment-là, Clémenceau demande la parole et demande la suspension de séance parce qu'il a l'intention de répondre longuement à Gambetta. Et donc, on décide que la réponse de Clémenceau aura lieu le lendemain. Et dans l'intervalle, la Chambre passe à la suite de l'ordre du jour parlementaire, c'est-à-dire contrôle des importations de viande de porc étrangère, surtaxe sur les vins à l'octroi de Loudun, aide financière à apporter à l'acquisition de terres et aux travaux de colonisation en Algérie. Alors voilà Clémenceau en 1882, c'est une photo, on a tellement habitué de voir le Clémenceau de la Première Guerre mondiale qu'on oublie qu'il a d'abord été un homme jeune et un redoutable bretteur. Donc le 20 juillet 1882, Clémenceau prend la parole et c'est un de ses plus célèbres discours, toujours cité, mais de façon imparfaite dans les différentes biographies de Clémenceau. L'honorable monsieur Gambetta disait dans son discours, ce n'est pas pour la nationalité égyptienne ni pour le parti national qu'il faut aller en Égypte, mais pour la nation française. Assurément, sous cette forme, cette proposition ne rencontrera pas de contradicteurs. Mais voyons ce qu'il y a au fond de cette idée. Les Français soutiennent qu'ils ont de puissants intérêts en Égypte. Les Anglais, les Italiens, d'autres encore disent de même. Au risque de paraître soutenir un paradoxe, je voudrais dire qu'il me semble que les Égyptiens, eux aussi, ont quelques intérêts en Égypte. Je voudrais examiner quels sont ces intérêts et démontrer, si je peux, que ces intérêts bien compris sont absolument identiques aux intérêts français et aux intérêts européens. Voilà la démonstration que je voudrais faire. Et ensuite, Clémenceau développe ce qu'il appelle un programme de politique démocratique. Il y a une observation que je suis obligé de faire, c'est que ceux-là même qui contestent qu'il y avait une politique républicaine doivent reconnaître qu'il y a une politique de quelque nom qu'on l'appelle, je l'appellerais volontiers politique démocratique, qui s'attache plus aux conquêtes morales qu'aux conquêtes matérielles, une politique qui croit que la guerre est une hérésie économique où le vainqueur souffre autant que le vaincu, qui croit que, quand une civilisation supérieure vient à se superposer à un rudiment de civilisation, au lieu de chercher l'exploitation de l'homme par l'homme, au lieu de chercher la domination, il faut s'efforcer de fondre un ordre basé sur les principes du droit et de la justice, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine économique et social. Très bien, à l'extrême gauche. Selon Clémenceau, ça a été la politique de la Première République, en dépit des crises effroyables qu'elle a traversées. Vouloir imposer des procédés de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme est contraire à la tradition française et risque de conduire à une crise ou à une révolution. Et là, il aborde, là, c'est donc le passage le plus célèbre des discours, la question fondamentale de la fin du XIXe siècle, le rapport entre race et politique. Messieurs, je sais bien que ceux qui ne contesteraient pas d'une façon générale les prémices de cette discussion telle que je viens de les poser, me disent aujourd'hui, prenez-y garde, il y a deux sortes de races dans le monde, il y a celles à qui l'on peut appliquer les principes que vous proclamez, et celle qu'il faut mener avec la courbâche, c'est-à-dire la cravache, et le bâton. Eh bien, j'ai précisément demandé la parole pour protester contre cette théorie qui consiste à introduire dans l'humanité, au moment où il disparaît de la science, le principe de l'immutabilité des espèces. Très bien, sur plusieurs bandes gauches. N'est-il pas étrange que l'on recommence à parler des races au moment où elles se mêlent de plus en plus, et où l'unité de leur caractère paraît singulièrement compromise. La vérité, c'est qu'il y a des peuples qui rêvent de la domination universelle, soit par la propagande des idées, soit par la conquête matérielle. Il y a le pan-germanisme, il y a le pan-slavisme, le pan-islamisme, il y a la théorie des races latines, il y a encore la théorie anglaise. La vérité, c'est que beaucoup d'Anglais sont persuadés de la supériorité de la race anglo-saxonne, au point de croire qu'elle est seule capable de liberté et que les autres races doivent être livrées aux différentes formes de despotisme, plus ou moins mitigées, qui sont répandues dans le monde. Et ensuite, Clémenceau cite la situation des Français du Canada soumis à l'oppression raciale britannique. Autrement dit, les Français peuvent se retrouver en situation de race inférieure. Il ne nie pas l'existence des races humaines, c'est admis scientifiquement dans cette Europe de la fin du XIXe siècle, mais il en limite la portée à une distinction entre race sauvage et race travailleuse. Et ça, c'est ce passage qui est régulièrement censuré dans toutes les biographies de Clémenceau, parce qu'évidemment, ça passe mal aujourd'hui. Si on voulait absolument faire une division entre les différentes races, je dirais qu'il existe deux races. Les races qui sont incapables de travailler, celles-là sont condamnées, elles doivent disparaître, et en fait elles disparaissent. Ainsi les peaux rouges d'Amérique. En second lieu, les races susceptibles de discipline et de travail, celles-là seront forcément sauvées. Tout peuple qui travaille sera racheté par la puissance émancipatrice du travail. Sans doute ces peuples peuvent d'abord être exploités par des conquérants, par des aventuriers qui viendront s'emparer de leur sol. Mais je dis qu'ils arriveront à créer un régime économique qui, grâce au progrès de la civilisation, forcera leurs exploiteurs à composer avec eux, et ils passeront ainsi de l'état d'esclavage ou de l'état de servage à la condition de salariés européens qui poursuivent eux aussi leur émancipation économique et sociale, incomplète encore, mais à laquelle ils doivent arriver par les réformes économiques que la République leur doit. Très bien, sur différents bancs de la gauche. Croit-on que les habitants de l'Égypte soient inférieurs aux esclaves nègres des plantations de l'Amérique? Je les ai vus, ces hommes, Clémenceau a séjourné dans les années 1860 aux États-Unis, au moment de la guerre de sécession. Je les ai vus, ces hommes, ils paraissaient absolument incapables d'éducation, et cependant, aujourd'hui, délivrés de l'esclavage, l'Amérique n'a pas craint d'en faire des citoyens. Ils remplissent dignement leurs fonctions publiques et savent très bien faire respecter leurs droits. Je ne veux pas entrer dans des considérations ethnographiques sur la race égyptienne, ce n'est pas ici le lieu, mais il est certain que cette race dont nous voyons des échantillons remarquables parmi nous dans nos écoles est une race tranquille, docile, trop docile pourrait-on dire à certains moments, mais susceptible d'éducation, d'application de travail, une race dont assurément il y a lieu d'attendre beaucoup. On ne peut pas venir à cette tribune, on ne viendra pas dans le Parlement de la République dire que ces hommes sont incapables de civilisation, incapables de s'affranchir, et que nous n'avons d'autre devoir envers eux que de les mener par la courbâche et le bâton. Et je vais plus loin. Alors même qu'ils ne seraient pas susceptibles d'affranchissement, ils sont encore susceptibles de justice. Alors même qu'ils ne pourraient pas s'élever jusqu'à comprendre les conditions de justice politique, économique et sociale qui sont nécessaires à l'existence d'une société, nous aurions le devoir de leur imposer ce même régime en vertu de notre supériorité, en laissant à l'éducation le soin de faire son œuvre de civilisation et de progrès. Assurément, si le but de l'alliance anglaise, qu'on nous l'a dépeinte et qu'on voudrait la pratiquer, était d'organiser avec nous l'asservissement à l'exploitation violente des races dites inférieures, je la répudierais bien haut, et je dirais à nos prétendus alliés, à nos complices, devrais-je dire, que je refuse ma part de responsabilité dans une aussi condamnable entreprise. Et donc il continue en disant qu'il ne s'agit pas évidemment de faire la guerre à la Grande-Bretagne, mais croyez-vous que l'Angleterre en guerre n'hésiterait pas de s'emparer du canal de Suez? Elle est à Malte et à Chypre. Elle occupe Malte provisoirement, rire dans l'Assemblée, depuis 1801. Elle s'est emparée de Chypre dans les circonstances que vous savez, et ce n'est pas pour le plaisir de civiliser Chypre, oh, pas du tout. Dans ces conditions, je ne dis pas que nous devions en aucun cas aider l'Angleterre à assurer la liberté du canal, mais je ne m'illusionne pas sur la portée du concours que nous lui prêterions et sur les avantages qu'on pourrait retirer de notre pays. Donc, il demande la collaboration franco-britannique, mais pour la justice et pas pour asservir la population égyptienne. Ensuite, il s'en prend à la colonie française d'Égypte, qui est atteinte de la maladie française typique du fonctionnarisme. L'Égypte souffre de ces centaines de fonctionnaires français et européens. Il faut envoyer des ingénieurs, des chefs d'entreprise, mais pas des fonctionnaires. Il met en cause la condition dans laquelle l'Égypte s'est endettée, avec toutes les malversations financières qui sont derrière l'endettement égyptien. Il reprend ensuite la défense du paysan égyptien. Il est certain que le mot nationalité n'a pas en Égypte le sens qu'il a parmi nous. Il n'y a pas encore de nationalité égyptienne, c'est l'évidence. Mais le seul fait qu'on a cru trouver un élément de force dans cette appellation de parti national suffit à montrer qu'il y a dans le pays un mouvement de l'opinion, un sentiment public qui réclame des satisfactions. Au fond de toute crise politique, ne l'oubliez pas, il y a un malaise social. Et ensuite, il explique que le malaise social en Égypte, c'est l'usure qui frappe la population paysanne égyptienne. Les 25 millions de livres sterling, dit-il, dus par les fellahs aux usuriers, et rappelle que c'est la misère du peuple français qui a provoqué la révolution de 1789, donc c'est la misère du peuple égyptien qui provoque cette révolution de 1882. Et enfin, il reprend évidemment le thème sous-entendu de toute la gauche républicaine, enfin l'extrême-gauche républicaine, parce que, je vous rappelle, à l'époque, Clémenceau est considéré comme le chef de l'extrême-gauche. Il reprend le thème de la ligne bleue des Vosges. Je ne veux juger les intentions de personne, mais enfin une chose me frappe. Il me semble qu'on nous pousse du côté de la Méditerranée. Il me semble qu'on cherche à nous éparpiller sur les rivages de l'Afrique, de même qu'on a poussé l'Autriche en Herzégovine et en Bosnie. Il me semble qu'on nous a poussé en Tunisie et qu'on nous pousse en Égypte. Ce « on », c'est Bismarck, bien évidemment. Alors ensuite, on discute de détails du budget de la Marine, et on vote le 20 juillet les crédits par 424 voix contre 64. Mais le débat reprend les 29 et 30 juillet 1882. Freycinet n'invoque que l'occupation militaire du canal de Suez pour assurer la liberté de circulation et maintenir le prestige de la France dans le monde musulman, dit-il. Et là, l'opposition radicale se déchaîne. Si c'est une occupation sans risque, il n'y a aucune raison d'y aller. Si elle implique d'entrer en conflit avec les Égyptiens, l'opération ne pourra être limitée et le gouvernement sera obligé de faire appel au patriotisme des députés pour les forcer à entrer dans l'engrenage d'une occupation de tout le pays. C'est-à-dire ce que les radicaux disent, c'est « ne refaites pas le coup de la Tunisie » ou « au nom d'une intervention militaire limitée, vous avez fini par occuper tout le pays ». La France ne peut se permettre une telle action alors qu'elle est en pleine réorganisation de son armée. On rappelle la désastreuse expédition du Mexique sous Napoléon III et la façon dont l'expédition de Tunisie donc a été présentée. Et le tigre, enfin on l'appelle déjà le tigre, hein, Clemenceau, parce que c'est le grand tombeur des ministères, reprend la parole. Quand on examine cette question égyptienne, on ne tarde pas à reconnaître qu'il n'y a pour nous que deux attitudes à prendre, deux politiques à suivre, la politique d'intervention ou la politique d'abstention. Je sais bien que le gouvernement en a inventé une troisième, mais comme elle n'a pas reçu de nom, je vous demande la permission de la laisser dans sa condition présente et de ne pas la tenir pour le moment sur les fonds baptismaux parlementaires. Rire. Qu'est-ce que c'est que cette politique ? Est-ce la paix ? Non pas, puisque nous envoyons des troupes en Égypte. Est-ce la guerre ? Pas davantage, puisqu'il est entendu qu'elles ne se battront pas. Rire de vous. Ce n'est ni la paix ni la guerre suivant le goût des orateurs et des auditeurs. Pour mieux dire, c'est une politique qui présente les inconvénients des deux autres politiques qui n'a les avantages d'aucune. Applaudissements à gauche. L'intervention française risquerait de provoquer un conflit européen, puisque derrière ça, il y a toujours les machinations de l'Allemagne de Bismarck. Messieurs, nous ne saurions nous arrêter à un pareil renversement des rôles. S'il y a un piège sous nos pas, il est en vérité trop grossier pour que nous puissions y tomber. Je vous refuse vos crédits, non seulement parce que c'est la guerre, mais parce que c'est la guerre dans des conditions que nul ne connaît, avec des conséquences que nul ne peut prévoir. Il faut que la France conserve sa liberté d'action à un moment où l'Europe est couverte de soldats. Cette intervention de Clemenceau clôt le débat et le projet de crédit est rejeté par 416 voix contre 75. Dans la foulée, Freycinet démissionne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les demi-mesures du projet colonial se sont heurtées à ceux qui ont avant tout à l'esprit la ligne bleue des Vosges et qui ont vu dans l'affaire égyptienne une manœuvre allemande. Voilà, mais vous noterez cette qualité extraordinaire du débat, avec la puissance de réflexion des uns et des autres. Encore, je n'en ai que des extraits parce que ça fait un certain nombre de pages dans le journal officiel de 1882, que je vous le rappelle maintenant, je crois, est consultable sur l'Internet. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Donc, on va passer à l'intervention militaire britannique. The very model of a modern major general. I've information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England, and I quote the fight's historical, from Marathon to Waterloo in order categorical. I'm very well acquainted too with matters mathematical. I understand equations both as simple and quadratical. About binomial theorem, I'm teeming with a lot of news. Lot of news. knows not. Got it. Oh, with the many cheerful facts about the square of the hypotenuse. The many cheerful facts about the square of the hypotenuse. The many cheerful facts about the square of the hypotenuse. The many cheerful facts about the square of the hypotenuse. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, l'Égypte et le débat français sur la colonisation. I know I'm mythic history, King Arthur's answer paradox. I answer hard acrostics, I've a pretty taste for paradox. I quoted elegiacs, all the crimes of Heliogabalus. In conics, I can throw peculiarities parabolus. I can tell undoubted Raphael's and Gerard Dawson's off the knees. I know the croaking chorus from the frogs of Aristophanes. Then I can hum a few of which I've heard the music's dinner for. Ooh, dinner for, got it. And whistle all the airs from that infernal nonsense dinner for. And whistle all the airs from that infernal nonsense dinner for. And whistle all the airs from that infernal nonsense dinner for. And whistle all the airs from that infernal nonsense dinner for. Then I can write a washing bill in Babylonic uniform and tell you every detail of Caractacus's uniform. In short, it matters vegetable, animal, and mineral. I am the very model of a modern major general. It's only matters vegetable, animal, and mineral. It's the very model of a À partir du mois de janvier 1882, les militaires britanniques avaient commencé à étudier la possibilité d'une intervention militaire en Égypte. Sous le prétexte de tourisme sportif, de la chasse aux canards, le lieutenant-colonel Tulloch est allé faire un relevé précis des défenses de l'Égypte et a esquissé un plan d'opération. Un professeur d'arabe à Oxford, Edward Palmer, est envoyé faire une enquête auprès des Bédouins du Sinaï. Palmer a jadis exploré la péninsule pour le compte du Palestinian Exploration Fund. Il débarque à Jaffa, ayant pris l'habit indigène, puisque c'était la mode, vous rappelez, les Burton et autres, les Bucart qui avaient sillonné la région sous habit indigène, et commence à prendre des contacts fructueux avec les Bédouins, sous le nom de guerre qu'il a adopté de Cheikh Abdullah. Mais surtout, à la fin juin, l'adjudant général to the forces, c'est-à-dire le numéro 2 de l'armée, chargé de la gestion du personnel, c'est Arthur Wolseley, est chargé de prendre le commandement de l'expédition en Égypte. Alors, c'est un personnage, c'est un des plus grands généraux de l'époque victorienne. Pour ceux qui connaissent la musique britannique de l'époque victorienne et les opérettes de Gilbert et Sullivan, c'est lui le personnage de Very Modern Adjutant General, d'une célèbre chanson d'une opérette Gilbert et Sullivan, qui est l'équivalent en anglais de Offenbach. En français, lui-même d'ailleurs, adorait chanter cette chanson qui était sa caricature, c'est-à-dire ce général sait tout, l'art de la guerre, enfin les mathématiques, l'histoire de la guerre, etc. La seule chose qu'il a oublié d'apprendre, c'est l'évolution de l'art militaire depuis le début du XIXe siècle. C'est un célèbre passage satirique qui est encore resté tout à fait connu chez les anglo-saxons. C'est un vétéran des guerres coloniales britanniques. Il a fait la Crimée, l'Inde, le Canada, l'Afrique du Sud. Et c'est surtout quelqu'un qui est connu pour la minutie de ses préparatifs. Au point que dans l'armée britannique, l'expression « everything's all Sir Garnet » signifie que tout est en ordre. Parce qu'une fois que Sir Garnet a tout mis en ordre, tout est impeccable et tout va marcher dès le départ. Alors, dès Londres, il a fait son plan de guerre. Il prévoit que l'armée britannique occupera le canal de Suez, descendra sur Ismaïlia, puis ensuite elle marchera en direction du Caire par la voie du canal de Douce. Et logiquement, dit-il, avant de partir de Londres, la bataille finale aura lieu à Tel el-Kébir face aux troupes arabistes. à partir du 4 juillet, donc avant le bombardement d'Alexandrie, des instructions secrètes ont été envoyées à un certain nombre d'unités pour se préparer à l'embarquement sous couvert de manœuvres, ce qui explique pourquoi, dès le début de juillet 1882, des troupes ont débarqué à Malte et à Chypre. Ce sont celles qui sont venues occuper Alexandrie après le bombardement du 11 juillet. Le 6 juillet, le gouvernement des Indes a reçu l'ordre de préparer l'envoi de troupes sur Suez et Ismaïlia. Il faut montrer aussi ostensiblement que la Grande-Bretagne compte sur la loyauté de ses soldats musulmans et hindous, un quart de siècle après la grande mutinerie, la guerre des Sipayes. Le coût de cette expédition sera à la charge de l'Inde et non de la Grande-Bretagne. Le 24 juillet, oui, dans le système britannique, les troupes stationnées dans les colonies, et en particulier l'armée de l'Inde, qui est la principale armée britannique, est à la charge de la colonie. En revanche, mais c'est la dépense principale, toute la marine est à la charge de Londres. C'est la première marine de guerre du monde. Donc c'est une répartition des rôles. Le 24 juillet, la Chambre des communes vote le crédit pour l'envoi d'un corps expéditionnaire pour officiellement protéger le canal de Suez, par lequel passe 82% du commerce britannique. Personne n'est dupe. Il s'agit d'une invasion de l'Égypte. La station française provoque l'abstention de l'Italie. L'Angleterre agira seule, ce qui ne déplaît pas à son gouvernement, heureux de retrouver une pleine liberté d'action. Donc maintenant, l'ambassadeur anglais à Constantinople, Lord Dufferin, a pour instruction justement d'empêcher les Ottomans d'envoyer des troupes en Égypte, alors que jusque-là, c'était l'inverse. Tout ce qu'on attend maintenant du gouvernement ottoman est la condamnation d'Ourabi et un soutien public au Khedive. Et donc, à la mi-juillet, les nouvelles troupes embarquent dans les ports différents. Donc, vous voyez ici l'embarquement des troupes britanniques sur les navires de guerre à destination de l'Égypte. Ah, vous voyez ce bel uniforme rouge, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que l'armée britannique va entrer en opération avec le grand uniforme rouge, pour une raison très simple, c'est que je l'ai déjà expliqué l'autre jour, en 1884 va être découvert l'utilisation de la poudre sans fumée. Donc jusque-là, il faut bien comprendre que c'est d'aucune importance d'avoir un grand habit rouge, parce que au bout du quatrième ou cinquième tir, on est couvert de fumée et on ne vous voit plus. Et donc, avec la poudre sans fumée, on va rester visible. Donc, à partir de la fin des années 1880, l'uniforme britannique va changer, puisqu'on va adopter de façon généralisée une pratique qui est déjà commune dans l'armée des Indes, la tenue kaki. C'est donc le moment, à la fin des années 1880, où les militaires deviennent kakis, ceux qui vont rester jusqu'à aujourd'hui. Alors, contrairement aux armées continentales, qui sont des armées issues de la conscription, l'armée britannique du 19e siècle est une petite armée, mais une armée de métier. C'est donc une armée d'engagés rompus à la discipline. Certains noms d'archaïsme comme le châtiment corporel, par exemple le fouet, vient d'être supprimé dans l'armée britannique. C'était une longue discussion pénible, parce qu'il y avait des gens qui voulaient maintenir les bonnes traditions. Mais donc on vient juste de supprimer le châtiment corporel dans cette armée. Mais c'est surtout une armée coloniale qui, en particulier dans le corps des officiers, composée d'officiers qui ont fait toutes les guerres coloniales depuis la guerre de Crimée, enfin, à l'exception de la guerre de Crimée, et qui est donc parfaitement professionnalisée. Le 1er, enfin le 2 août 1882, le premier contingent venu de l'Inde occupe la ville de Suez, évidemment pour protéger Suez des zurabistes. C'est une évidence, comme il se doit. Mais les combats principaux sont évidemment d'abord dans la région d'Alexandrie. Alors, pour les petites histoires, mais ce n'est pas une petite histoire parce que ça reste dans les mémoires, Palmer, donc ce professeur d'arabe, a rejoint les forces britanniques à Suez. Il est nommé interprète en chef de l'armée. Puis il repart dans le désert avec 2 officiers britanniques pour acheter des chameaux et offrir aux chefs bédouins des sommes importantes afin de s'assurer de leurs allégeances. Mais les 3 hommes vont disparaître, ce qui inquiétera évidemment les autorités britanniques qui décideront d'envoyer Francis Burton à la recherche de Grant Burton, celui qui avait fait le pèlerinage à la Mecque, celui qui avait fait la découverte des sources du Nil. Mais avant que Burton arrive en Égypte, on découvrira les dépouilles mortelles des 3 émissaires. Ils ont été faits prisonniers par des bédouins à la mi-août 1882, puis exécutés par leurs ravisseurs. Les 3 héros seront enterrés à la cathédrale Saint-Paul de Londres. J'insiste sur ce mini-épisode parce qu'on a toujours l'impression que Laurence d'Arabie, qui s'habille en bédouin, etc., c'est une nouveauté, etc. Non, non, c'est des pratiques courantes. Et évidemment, en 1914, les gens se rappellent l'aventure malheureuse de Palmer et de ses compagnons qui avaient essayé de soulever les bédouins du Sinaï. Le 5 août, les forces britanniques d'Alexandrie font une forte reconnaissance armée sur Kafr el-Dawa. Ils sont repoussés par les troupes égyptiennes, même si les pertes anglaises sont minimes, 4 tués, 27 blessés. C'est considéré comme une victoire égyptienne. Mais surtout, la position britannique à Alexandrie est fragilisé parce que les Arabistes sont en train de couper le canal Marmoudier qui alimente Alexandrie en eau douce. On rappelle qu'Alexandrie est dans le désert et que depuis l'Antiquité, Alexandrie ne vit que par le canal d'eau douce qui va du delta à Alexandrie. Donc, au XIXe siècle, il a été refait à l'époque de Mahmoud II, c'est pour ça qu'on l'appelle le Marmoudier. Mais c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Avec le début de la crue du Nil, puisque nous sommes l'été, et que je vous rappelle, la crue du Nil a lieu en été, Alexandrie devient progressivement une sorte de presqu'île dont les accès sont contrôlés par les troupes de Rabi Pacha. Lesseps, lui, exaspère les Britanniques dans ses efforts pour maintenir la neutralité du canal. Dans ses télégrammes successifs à Paris, Lesseps fait l'apologie d'Ourabi et de ses partisans. Mais les Anglais obtiennent du Khédivre une pleine autorité pour le rétablissement de l'autorité khédiviale sur le canal. Donc, il y a opposition entre Lesseps et le Khédive, parce que Lesseps a l'acte de concession pour lui, mais le Khédive a la légitimité de l'État de son côté. Et donc, il faut rappeler que l'Égypte reste garante du maintien de l'ordre dans la région du canal. Le 10 août, quand le consul britannique Mallette revient de Venise, où c'était en congé maladie et travaille activement à former un nouveau gouvernement égyptien. Après plusieurs jours de discussion, Chérif Pacha forme un nouveau gouvernement qui comprend plusieurs illustrations de la période précédente, dont Riaz Pacha, Nubar Pacha qui est en France, est autorisé à revenir en Égypte. Et officiellement, on annonce que le programme de réforme qui avait été interrompu à l'époque de Chérif, enfin à la chute de Chérif Pacha, sera repris. L'affaire égyptienne passionne évidemment l'opinion publique internationale. Plusieurs compagnons de Garibaldi se déclarent prêts à prendre les armes du côté de Rabbi Pacha, pas que Garibaldi lui-même, parce qu'il vient de mourir en juin 1882. En revanche, la propagande anglaise et française fait du chef nationaliste un massacreur de chrétiens. Et du coup, les Européens qui sont passés du côté de Rabbi Pacha sont assimilés aux communards. Et il faut dire qu'en France, c'est Rochefort et la Lanterne qui fait campagne pour Orabi. Donc Rochefort, c'est la commune, bien évidemment. Alexandrie, où une esquisse de vie normale vient de reprendre, le gouvernement égyptien prend prétexte de la situation pour interdire aux indigents européens, c'est-à-dire les ouvriers grecs et italiens sans travail et sans domicile, d'accéder à la ville. Et les consuls européens, soucieux d'ordre public, ne protestent pas, car après tout, ils considèrent quand même que ces gens sans aveu ont été quand même l'une des causes principales des troubles qui ont provoqué les malheurs de la ville. Le 15 août, Wolseley arrive à Alexandrie et publie immédiatement une déclaration affirmant que les troupes anglaises ne sont là que pour soutenir l'autorité de Khedive et combattre ceux qui portent les armes contre lui. Jusque-là, les troupes qui étaient arrivées par échelons successifs avaient débarqué dans la région d'Alexandrie. Le commandant en chef les fait rembarquer le 18 août et opère un simulacre de débarquement à Aboukir le 19 pour faire croire à une marche sur le Caire à travers le désert. Rappel de la manœuvre de Bonaparte en 1798. Il fait répondre par les correspondants de presse qu'il considère par ailleurs comme étant la malédiction des armées modernes toute une série de fausses nouvelles afin d'égarer les Égyptiens. Il ne savait pas qu'il faisait de la post-vérité, celui-là. Enfin, le contingent resté à Alexandrie multiplie les opérations dans le secteur d'Aboukir, Kafr Dawar, pour faire croire que c'est le théâtre principal d'opérations. En réalité, les forces britanniques bloquent le canal de Suez, comme marque le télégramme affolé de Lesseps. Amiral anglais Suez informé agent principal transit que, en vertu d'instructions du gouvernement anglais, il interdit l'entrée du canal jusqu'à nouvel ordre aux navires grands petits, y compris les canaux de la compagnie, et qu'au besoin, il aura recours à la force pour empêcher toute tentative de contravention à ses ordres. En outre, amiral a placé à l'entrée du canal un canot armé. J'ai protesté contre cet acte de violence et de spoliation. Le président de la compagnie du canal universel a beau saisir par télégraphe le conseil juridique de la compagnie, qui considère qu'il y a bien violation de la neutralité et des biens de la compagnie, il doit s'incliner devant le coup de force britannique. Et déjà, les juristes de la compagnie universelle préparent le dossier pour obtenir des indemnités, puisque quand même on est dans une époque de droit. Le problème supplémentaire, c'est que l'Angleterre, qui vient de faire cette manœuvre, possède 45% des actions de la compagnie universelle. La question du canal de Suez en 1882 va peser lourd dans le récit national égyptien. Il semble qu'Orabi ait cru aux assurances de Lesseps en dépit des avertissements de Ninette et de son entourage. Alors, selon le récit de Ninette, il fut décidé pour la seconde fois depuis l'entrée en campagne de détruire partiellement le canal de Suez. et cela tout de suite sans se préoccuper davantage de l'opposition de M. de Lesseps. Trop de temps avait déjà été perdu. Or, Abbé, je dois le confesser, manquait toujours de décision sur ce point très délicat. M. de Lesseps semblait l'avoir gagné à l'idée qu'en protégeant quand même le canal, son nom en grandirait, ce qui vraiment n'était qu'une prétentieuse absurdité. De là cette théorie dont il se sentait obsédé. Le canal est la grande route ouverte à tous les pavillons et touchée à mettre contre nous l'Europe, le monde entier. Du reste, le général ministre était le seul de son opinion. En fait, il semble qu'Orabi commençait à comprendre ce qui s'était en train de se passer et a demandé au Majlis Rourfi du Caire l'autorisation de faire stationner des troupes le long du canal, mais le Majlis avait refusé parce qu'il ne veut pas provoquer une intervention européenne. C'est après du refus du Majlis qu'Orabi s'est montré complaisant par rapport aux avis de Lesseps. Pour l'historiographie égyptienne, Lesseps a volontairement induit Orabi en erreur, ce qui ajoute la grande liste des griefs des nationalistes égyptiens contre la personnalité de Ferdinand de Lesseps. En réalité, la correspondance diplomatique montre que Lesseps et la Compagnie universelle ont multiplié les protestations et menacé la Grande-Bretagne d'actions juridiques, ce qui a laissé les militaires de marbre. De même, la compagnie a refusé de contribuer au débarquement des troupes britanniques et a vu son matériel provisoirement réquisitionné dans ce but, mais les choses ont repris très rapidement leur cours normal à la grande satisfaction de la compagnie, puisque finalement l'interruption du service n'a duré que 24 heures. Le souci britannique est d'assurer la meilleure gestion possible du canal afin de mettre fin aux velléités françaises et italiennes d'exercer une protection collective. Donc, en tout cas, les troupes égyptiennes britanniques commencent à débarquer sur le canal. Donc, là, maintenant, la marine britannique entre dans le canal de Suez et arrive le 20 août 1882 à Ismaïlia, où fait jonction avec les troupes venues de l'Inde via Suez. Évidemment, la marine britannique positionnée dans le canal et en particulier dans les lacs couvre de son artillerie les forces britanniques. En même temps, le major Tulloch a fait couper à Jaffa le fil télégraphique entre le Caire et Constantinople. Comme l'autre câble passe par Alexandrie, l'Égypte est maintenant coupée du reste du monde, puisqu'il n'y a que les Britanniques qui contrôlent les liaisons télégraphiques. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, l'Égypte et le débat français sur la colonisation. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié Oriental aux éditions du CNRS. Et à la mi-février, il va publier chez Fayard « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Anne Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Henri Laurence « Quelles décisions politiques après la conquête de l'Égypte ?» Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.